بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الله سبحانه وتعالى أدينا صنب لليفر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre en disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. » Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges de ceux qui méditent sur la création des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a donc créé les cieux et la terre, et il a fait descendre Adam alayhi salam ainsi que sa descendance sur celle-ci. Et ce, pour d'immenses sagesses que l'homme ne saurait dénombrer. Et certes, connaître certaines de ces sagesses est une chose très bénéfique, car cela aide le croyant à patienter face aux difficultés de la vie mondaine, et c'est également une cause pour augmenter sa foi et pour augmenter son amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons donc mentionner dans cet audio certaines de ces sagesses, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la réussite. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة قال إن الله سبحانه لما أهبط آدم أبا البشر عليه السلام من الجنة لما له في ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن معرفتها والألسن عن صفتها فكان إهباطه منها عين كماله ليعود إليها على أحسن أحواله فأراد سبحانه أن يذيقه وولده من تعب الدنيا وغمومها وهمومها وأوصابها ما يعظم به عندهم مقدار دخولهم إليها في الدار الآخرة فإن الضد يظهر حسنه الضد ولو تربوا في دار النعيم لم يعرفوا قدرها. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit dans son livre Miftah Dar al-Sa'ada, il a dit: lorsqu'Allah subhana fit descendre Adam, le père des hommes, alayhi salam, du paradis, pour ce que cela comporte comme sagesse que les raisons ne pourraient atteindre et que les langues ne sauraient décrire, sa descente fait donc partie de sa perfection afin qu'il y retourne dans la meilleure des situations. Il a donc voulu, subhanahu wa ta'ala, lui faire goûter, ainsi qu'à ses enfants, la fatigue de la vie mondaine, ainsi que ses tristesses et ses soucis. Et ce, afin qu'il se rende compte de la grande valeur du paradis lorsqu'il y retournera dans l'au-delà. Car certes, c'est par le contraire des choses qu'on connaît leur valeur. Alors que s'il avait été directement dans la demeure des bienfaits, il n'aurait pas connu sa juste valeur. Wa aydan, فإنه سبحانه أراد أمرهم ونهيهم وابتلاءهم واختبارهم وليست الجنة دار تكليف فأهبطهم إلى الأرض وعرضهم بذلك لأفضل الثواب الذي لم يكن لينال بدون الأمر والنهي. Il a également voulu, subhanahu wa ta'ala, leur imposer des ordres et des interdits, et également les tester et les éprouver. Cependant, le paradis n'est pas une demeure pour ceux-ci. Il les a donc fait descendre sur terre et les a éprouvés afin de leur accorder la meilleure des récompenses. Récompenses qu'ils n'auraient pas pu atteindre sans les ordres et les interdictions. وَأَيْضًا فَإِنَّهُ سُبْحَانَ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْهُمْ أَنْبِيَاءَ وَرُسُلَ وَأَوْلِيَاءَ وَشُهَدَاءَ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ فَخَلَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَعْدَائِهِ وَامْتَحَنَهُمْ بِهِمْ. فلما آثروه وبذلوا نفوسهم وأموالهم في مرضاته ومحابه نالوا من محبته ورضوانه والقرب منه ما لم يكن لينال بدون ذلك أصلا. فدرجة الرسالة والنبوة والشهادة والحب فيه والبغض فيه وموالة أوليائه ومعادة أعدائه عنده من أفضل الدرجات، ولم يكن ينال هذا إلا على الوجه الذي قدره وقضاه من إهباطه إلى الأرض وجعل معيشة أولاده فيها. Il a également voulu, subhanahu wa ta'ala, prendre parmi eux des prophètes, des messagers, des alliés et des martyrs, afin de les aimer et qu'ils l'aiment. Il les a donc laissés avec leurs ennemis et les a éprouvés par ceux-ci. Ainsi, après avoir donné de leur personne et de leurs biens pour son agrément et son amour, ils ont obtenu de son amour, de son agrément et de sa proximité ce qu'ils n'auraient pas pu obtenir autrement. Car le degré de la prophétie, du messager, du martyr, le fait d'aimer et de détester pour lui, d'aimer et de secourir ses alliés et de détester ses ennemis, toutes ces choses font partie des plus hauts degrés. Et il n'est pas possible de les atteindre à part de la manière dont il l'a prédestiné, subhanahu wa ta'ala, en le faisant descendre sur terre et en faisant vivre ses enfants sur celle-ci. وأيضا فإنه سبحانه له الأسماء الحسنى فمن أسمائه الغفور الرحيم العفو الحليم الخافض الرافع المعز المذل المحيي المميت الوارث الصبور ولا بد من ظهور أثر هذه الأسماء فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته دارا يظهر عليهم أثر أسمائه الحسنى يغفر فيها لمن يشاء ويرحم من يشاء ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ينتقم ممن يشاء ويعطي ويمنع ويقبض ويبسط إلى غير ذلك من ظهور أثر أسمائه وصفاته. Et également, c'est à lui, subhanahu wa ta'ala, qu'appartiennent les noms les plus beaux. Parmi ces noms, le très pardonnant, le très miséricordieux, le très indulgent, le très doux, celui qui élève et qui rabaisse, celui qui donne l'autorité à qui il veut et la retire de qui il veut, celui qui donne la vie et la mort, l'héritier. Il fallait donc impérativement qu'apparaissent les effets de ces noms. Ainsi, il a de par sa sagesse, subhanahu wa ta'ala, fait descendre Adam alayhi salam, ainsi que ses descendants, vers une demeure dans laquelle les effets de ses noms seront apparents. Il pardonne à qui il veut, fait miséricorde à qui il veut. Il élève et rabaisse qui il veut. Il donne l'autorité à qui il veut et la retire de qui il veut. Il se venge de qui il veut, il donne à qui il veut et interdit à qui il veut. Et autres parmi les effets de ses noms et attributs, subhanahu wa ta'ala. وأيضا فإنه سبحانه الملك الحق المبين والملك هو الذي يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويهين ويكرم ويعز ويذل فاقتضى ملكه سبحانه أن أنزل آدم وذريته دارا تجري عليهم فيها أحكام الملك ثم ينقلهم إلى دار يتم عليهم فيها ذلك. Également, Allah subhanahu wa ta'ala est le roi, le souverain. C'est donc lui qui impose des ordres et des interdictions, qui accorde la récompense et qui punit, qui honore et qui avilit, qui élève et qui rabaisse. Il a donc de par sa souveraineté, subhanahu wa ta'ala, fait descendre Adam alayhi salam ainsi que ses enfants vers une demeure dans laquelle s'appliquera sur eux les règles de la souveraineté. Puis après cela, il les fera passer vers une demeure où cela se complétera pour eux. وأيضا فإنه سبحانه أنزلهم إلى دار يكون إيمانهم فيها بالغيب والإيمان بالغيب هو الإيمان النافع وأما الإيمان بالشهادة فكل أحد يؤمن يوم القيامة يوم لا ينفع نفسا إلا إيمانها في الدنيا فلو خلقوا في دار النعيم لم ينالوا درجة الإيمان بالغيب واللذة والكرامة الحاصلة بذلك لا تحصل بدونه بل كان الحاصل لهم في دار النعيم لذة وكرامة غير هذه. Également, il les a fait descendre, subhanahu wa ta'ala, vers une demeure dans laquelle ils croient à l'invisible. Car la croyance en l'invisible est celle qui est bénéfique. Quant à la croyance à ce qui est visible, tout le monde y croira au jour de la résurrection, le jour où seule la foi qui était présente dans la vie mondaine sera profitable. Mais s'ils avaient été créés dans la demeure des bienfaits, ils n'auraient pas pu atteindre le degré de la foi en l'invisible. Et certes, le plaisir et l'honneur que cela apporte ne peut pas être atteint sans cela. وأيضا فإنه سبحانه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض والأرض فيها الطيب والخبيث والسهل والحزن والكريم واللئيم فعلم سبحانه أن في ظهره من لا يصلح لمساكنته في داره فأنزله إلى دار استخرج فيها الطيب والخبيث من صلبه ثم ميزهم سبحانه بدارين فجعل الطيبين أهل جواره ومساكنته في داره وجعل الخبيثين أهل دار الشقاء دار الخبثاء. قال تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فلما علم سبحانه أن في ذريته من ليس بأهل لمجاورته أنزلهم دارا استخرج منها أولئك وألحقهم بالدار التي هم لها أهل حكمة بالغة ومشيئة نافذة تلك تقدير العزيز العليم. Également, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam à partir d'une poignée de terre qu'il a pris de l'ensemble de la terre. Et certes, la terre peut être bonne ou mauvaise, elle peut être facile ou difficile, elle peut être généreuse ou médiocre. Il a donc su subhanahu wa ta'ala qu'il y avait sur celle-ci des gens qui ne conviennent pas pour vivre auprès de lui. Il a donc fait descendre Adam alayhi salam vers une demeure dans laquelle il fera sortir de sa descendance les bons et les mauvais. Puis il les a distingués, subhanahu wa ta'ala, entre deux demeures. Il a placé les bonnes personnes auprès de lui et les mauvaises personnes dans la demeure du malheur. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, liyamiz Allahu al-khabitha min al-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd fayarkumahu jami'a fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Afin qu'Allah distingue le mauvais du bon et qu'il place les mauvais les uns sur les autres, pour en faire un amoncellement qu'ils jetteront en enfer, ceux-là sont les perdants. Allah, subhanahu wa ta'ala, a donc su qu'il y avait parmi la descendance de Adam, alayhi salam, des gens qui ne sont pas dignes de vivre auprès de lui. Ainsi, il les a fait descendre vers une demeure dans laquelle il les a fait sortir, afin de les mener vers la demeure qui leur convient. Et ce, de par son immense sagesse et sa volonté, tel est le destin du puissant, de l'omniscient. Wa aydan, fa innahu subhana. لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أجابهم بقوله إني أعلم ما لا تعلمون ثم أظهر سبحانه علمه لعباده ولملائكته بما جعله في الأرض من خواص خلقه ورسله وأنبيائه ومن يتقرب إليه ويبذل نفسه في محبته ومرضاته مع مجاهدة شهوته وهواه فيترك محبوباته تقربا إليه ويترك شهواته ابتغاء مرضاته ويبذل دمه ونفسه في محبتي وأخصه بعلم لا تعلمونه يسبح بحمدي آناء الليل وأطراف النهار ويعبدني مع معارضات الهوى والشهوة والنفس والعدو إذ تعبدونني أنتم من غير معارض يعارضكم ولا شهوة تعتريكم ولا عدو أسلطه عليكم بل عبادتكم لي بمنزلة النفس لأحدهم. Également, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux anges: Inni ja'ilun fil ardi khalifa, qalu أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ Je vais établir sur terre un khalifa. Ils dirent, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a laissé apparaître sa science à ses serviteurs et à ses anges, en plaçant sur terre ses créatures rapprochées, ses messagers, ses prophètes et ceux qui se rapprochent de lui, en donnant leur personne pour son amour et son agrément, et en combattant leurs passions et leurs désirs. Il délaisse ceux qu'il aime pour se rapprocher de moi. Il renonce à ses passions pour obtenir mon agrément. Il dépense de sa personne pour mon amour, et je lui accorderai une science que vous ne possédez pas. Il me glorifie par ma louange, jour et nuit. Il m'adore malgré l'opposition de ses passions, de ses désirs, de son âme et de ses ennemis. Alors que vous, vous m'adorez sans aucune opposition, ni des passions, ni des ennemis. Votre adoration pour moi est donc plutôt semblable à la respiration de l'un d'entre eux. وأيضا فإني أريد أن أظهر ما خفي عليكم من شأن عدوي ومحاربته لي وتكبره عن أمري وسعيه في خلاف مرضاتي وهذا وهذا كان كامنين مستترين في أبي البشر وأبي الجن فأنزلتهم إلى دار ظهر فيها ما كان الله سبحانه منفردا بعلمه لا يعلمه سواه وظهرت حكمته وتم أمره وبدا للملائكة من علمه ما لم يكونوا يعلمون. Également, je veux vous montrer ce qui vous était caché concernant mon ennemi et la lutte qu'il mène contre moi, ainsi que son orgueil envers mes ordres et les efforts qu'il fournit en opposition à mon agrément. Et certes, tout ceci était caché pour le père des hommes et le père des djinns. Il les a donc fait descendre vers une demeure dans laquelle ce que seul Allah savait est apparu. Sa sagesse est donc devenue apparente, son ordre s'est accompli et les anges ont vu de sa science ce qu'ils ne savaient pas. وأيضا فإنه سبحانه لما كان يحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الشاكرين وكانت محبته أعلى أنواع الكرامات اقتضت حكمته أن أسكن آدم وبنيه دارا يأتون فيها بهذه الصفات التي ينالون بها أعلى الكرامات من محبته فكان إنزالهم إلى الأرض من أعظم النعم عليهم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Également, Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui sont patients. Il aime les bienfaisants, il aime ceux qui le sur son sentier, il aime ceux qui se repentent et se purifient, et il aime les reconnaissants. Et vu que son amour est ce qu'il y a de plus honorable, il a de par sa sagesse, subhanahu wa ta'ala, fait vivre Adam, alayhi salam, ainsi que ses enfants, dans une demeure dans laquelle ils appliqueront ses caractéristiques, qui sont les causes pour atteindre le plus grand des honneurs, qui est son amour, subhanahu wa ta'ala. Les faire descendre sur terre était donc un des plus grands bienfaits sur eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala réserve à qui il veut sa miséricorde et il est le détenteur d'une grâce immense. وأيضا فإنه سبحانه أراد أن يتخذ من آدم ذرية يواليهم ويودهم ويحبهم ويحبونه فمحبتهم له هي غاية كمالهم ونهاية شرفهم ولم تكن لتتحقق هذه المرتبة السنية إلا بموافقة رضاه واتباع أمري وترك إرادة النفس وشهواتها التي يكرهها محبوبهم فأنزلهم دارا أمرهم فيها ونهاهم فقاموا بأمره ونهي فنالوا درجة محبتهم له فأنالهم درجة حبه إياهم وهذا من تمام حكمته ورحمته وهو البر الرحيم. Également, il a voulu, subhanahu wa ta'ala, choisir de Adam alayhi salam une descendance qu'il secourra et qu'il aimera et par qui il sera aimé. Leur amour pour lui est donc leur plus grand honneur et leur plus grande perfection. Cependant, il n'aurait pas pu atteindre ce noble degré sans accomplir ce qu'il agrée, sans suivre ses ordres et sans délaisser les désirs de leurs âmes que détestent celui qu'ils aiment. Il les a donc fait descendre vers une demeure dans laquelle il leur imposa des ordres et des interdictions. Ainsi, ils ont accompli ses ordres et délaissé les interdits, et ils ont atteint par cela le degré de son amour. Il leur a donc après cela accordé le fait de les aimer, et ceci fait partie de la perfection de sa sagesse et de sa miséricorde, et il est certes le charitable, le très miséricordieux. وأيضا فإنه سبحانه لما خلق خلقه أطوارا وأصنافا وسبق في حكمه تفضيله آدم وبنيه على كثير من مخلوقاته جعل عبوديته أفضل درجاتهم أعني العبودية الاختيارية التي يأتون بها طوعا واختيارا لا كرها واضطرارا وقد ثبت أن الله سبحانه أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخيره بين أن يكون ملك النبي أو عبد النبي فنظر إلى جبريل كالمستشير له فأشار إليه أن تواضع فقال بل أكون عبد النبي فذكره سبحانه باسم عبوديته في أشرف مقاماته في مقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام التحدي فقال في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ولم يقل برسول ولا نبي إشارة إلى أنه نال هذا المقام الأعظم بكمال عبوديته لربه وقال في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وقال في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. Également, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures en différentes phases et de différentes sortes. Il a favorisé Adam alayhi salam ainsi que ses enfants à de nombreuses créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de son adoration le plus haut de leur degré, c'est-à-dire l'adoration qu'ils accomplissent de leur plein gré sans aucune contrainte. Et il est authentifié qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoya Jibril alayhi salam vers le prophète alayhi salatu wassalam afin de le faire choisir entre le fait d'être un prophète roi ou un prophète serviteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarda donc en direction de Jibril alayhi salam comme pour lui demander conseil. Et Jibril alayhi salam lui conseilla d'être modeste. Il a donc choisi alayhi salatu wa salam d'être un prophète serviteur. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné par le nom de la servitude dans les plus nobles de ses positions, lors du voyage nocturne, lors du prêche et lors du défi. Il a dit subhanahu wa ta'ala à propos du voyage nocturne, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. Gloire à celui qui de nuit fit voyager son serviteur. Il a donc nommé ici serviteur et non pas prophète ou messager. Et ce, pour indiquer qu'il a atteint cette position par la perfection de son adoration envers son Seigneur, Jalla wa Ala. Et il a dit subhanahu wa ta'ala à propos du prêche, وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. Et lorsque le serviteur d'Allah se mit debout pour prêcher, ils faillirent se ruer en masse sur lui. Et il a dit subhanahu wa ta'ala à propos du défi, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِ. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ وَتَرَاجُعُ الْأَنْبِيَاءِ فِيهَا وقول المسيح عليه السلام اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فدل ذلك على أنه نال ذلك المقام الأعظم بكمال عبوديته لله وكمال مغفرة الله له وإذا كانت العبودية عند الله بهذه المنزلة اقتضت حكمته أن أسكن آدم وذريته دارا ينالون فيها هذه الدرجة بكمال طاعتهم لله وتقربهم إليه بمحابه وترك مألوفاتهم من أجله فكان ذلك من تمام نعمته عليهم وإحسانه إليهم. Et dans les deux recueils authentiques, dans le hadith de l'intercession, lorsque les prophètes diront aux gens d'aller vers autre qu'eux, ainsi que la parole du Messie, alayhi salam, qui dira « Allez voir Mohammed, un serviteur à qui Allah a pardonné les péchés passés et futurs ». Ceci prouve donc qu'il a atteint ce degré par la perfection de son adoration et du pardon d'Allah envers lui. Ainsi, vu que l'adoration a cette noble place auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a de par sa sagesse fait vivre Adam alayhi salam ainsi que sa descendance dans une demeure dans laquelle ils atteindront ce degré par leur obéissance à Allah, leur rapprochement de lui par ce qu'il aime et le délaissement de ce qui leur est familier. Ceci fait donc partie de son immense bienfait et de sa bienfaisance envers eux. وَأَيْضًا فَإِنَّهُ سُبْحَانَ أَرَادَ أَنْ يُعَرِّفَ عِبَادَهُ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ تَمَامَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِمْ وَيُعَرِّفَهُمْ قَدْرَهَا لِيَكُونُوا أَعْظَمَ مَحَبَّةً لَهُ وَأَكْثَرَ شُكْرًا وَأَعْظَمَ الْتِذَاذًا بِمَا أَعْطَاهُمْ مِنَ النَّعِيمِ فَأَرَاهُمْ سُبْحَانَ فِعْلَهُ بِأَعْدَائِهِ وَمَا أَعَدَّ لَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ وَأَنْوَاعِ الْآلَامِ وَأَشْهَدَهُمْ تَخْلِيصَهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَتَخْصِيصَهُمْ بِأَعْلَى أَنْوَاعِ النَّعِيمِ لِيَزْدَادَ سُرُورُهُمْ وَتَكْمُلَ غَبْطَتُهُمْ وَيَعْظُمَ فَرَحُهُمْ وَتَتِمُّ لِذَّتُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ إِتْمَامِ الْإِنْعَامِ عَلَيْهِمْ وَمَحَبَّتِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ فِي ذَلِكَ مِنْ إِنْزَالِهِمْ إِلَى الْأَرْضِ وَامْتِحَانِهِمْ وَاخْتِبَارِهِمْ وتوفيق من شاء منهم رحمة منه وفضلا وخذلان من شاء حكمة منه وعدلا وهو العليم الحكيم ولا ريب أن المؤمن إذا رأى عدوه وعدو محبوبه الذي هو أحب الأشياء إليه في أنواع العذاب والآلام وهو يتقلب في أنواع النعيم واللذة ازداد بذلك سروره وعظمت لذته وكملت نعمته. Également, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire montrer à ses serviteurs la perfection de ses bienfaits envers eux. Il a voulu leur faire montrer la valeur de ses bienfaits afin que leur amour pour lui soit encore plus grand, afin qu'ils soient encore plus reconnaissants et qu'ils profitent encore plus des bienfaits qu'il leur a accordés. Il leur a donc montré, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il fait de ses ennemis ainsi que ce qu'il leur a préparé comme châtiment douloureux. Puis il a montré aux croyants ses bienfaits envers eux en les préservant de ces châtiments et en leur accordant les plus hauts degrés de bienfaits. Et ce, afin que leur joie soit encore plus grande et que leur bonheur soit complet. Cependant, pour que ceci soit possible, il a fallu les faire descendre sur terre et les éprouver, afin d'accorder la réussite à qui il veut, de par sa miséricorde et sa grâce, et d'égarer qui il veut, par sa sagesse et sa justice. Il ne faut aucun doute que lorsque le croyant voit son ennemi, ainsi que l'ennemi de celui qu'il aime, dans des châtiments douloureux, alors que lui profite des plus grands bienfaits et du bonheur, il ne faut aucun doute que ceci augmente sa joie et complète son bienfait. إنما خلق الخلق لعبادتي وهي الغاية المطلوبة منهم قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعلوم أن كمال العبودية المطلوب من الخلق لا يحصل في دار النعيم والبقاء إنما يحصل في دار المحنة والابتلاء وأما دار البقاء فدار لذة ونعيم لا دار ابتلاء وامتحان وتكليف. Également, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures afin qu'ils l'adorent, et c'est ceci qu'il leur est demandé, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et il est certes connu que l'adoration qui est demandée aux créatures ne peut pas être accomplie dans la demeure des bienfaits et de l'éternité, mais elle est accomplie dans la demeure des épreuves. Quant à la demeure éternelle, c'est la demeure des plaisirs et des bienfaits, et non pas la demeure des épreuves et des ordres. وَمَنْ تَأَمَّلَ آيَاتِهِ الْمَشْهُودَةَ وَالْمَسْمُوعَةَ فِي الْأَرْضِ وَرَأَى آثَارَهَا علم تمام حكمته في إسكان آدم وذريته في هذه الدار إلى أجل معلوم فالله سبحانه إنما خلق الجنة لآدم وذريته وجعل الملائكة فيها خدما لهم ولكن اقتضت حكمته أن خلق لهم دارا يتزودون منها إلى الدار التي خلقت لهم، وأنهم لا ينالونها إلا بالزاد، فباع المغبونون منازلهم منها بأبخس الحظ وأنقص الثمن، وباع الموفقون نفوسهم وأموالهم من الله وجعلوها ثمنا للجنة، فربحت تجارتهم ونالوا الفوز العظيم. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهو سبحانه ما أخرج آدم منها إلا وهو يريد أن يعيده إليها أكمل إعادة. Et celui qui médite sur ces signes visibles et audibles sur terre et voit ce qui en découle, celui-ci connaîtra la sagesse parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait d'avoir fait vivre Adam alayhi salam ainsi que ses descendants dans cette demeure jusqu'à une période déterminée. Allah subhanahu wa ta'ala a donc créé le paradis pour Adam alayhi salam et ses descendants, et les anges seront des serviteurs pour eux au paradis. Cependant, il a de par sa sagesse subhanahu wa ta'ala créer une demeure dans laquelle ils prépareront leurs provisions afin d'atteindre la demeure qui a été créée pour eux, car cette demeure ne peut s'atteindre sans provision. Les grands perdants ont donc vendu leur demeure au paradis au plus vil des prix, tandis que ceux à qui Allah a accordé la réussite ont vendu leur personne et leurs biens pour Allah. Ils en ont fait un prix pour le paradis, leur commerce a donc fructifié et ils ont obtenu le plus grand des succès. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Certes, Allah a acheté des croyants leur personne et leurs biens en échange du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala a donc fait sortir Adam alayhi salam du paradis que pour les faire revenir de la meilleure des manières. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.